Alors, bien évidemment, ces diverses interventions vont susciter, à n'en pas douter, de multiples questions. Peut-être le temps que vous formalisiez vos questions. Juste une observation assez générale. Je trouve que c'est tout à fait intéressant de vous écouter les uns et les autres, car en vous écoutant, on perçoit bien qu'il y a, je dirais, des différents niveaux, des différentes façons d'aborder la souffrance au travail. Soit effectivement, en tant que chercheur, notamment en sciences sociales, on peut adopter une posture descriptive, analytique, rendre compte, donner à voir, et notamment des rapports dans un contexte donné qui se sont noués entre la science et le politique, soit se placer dans une perspective plus prescriptive de préconisation de l'ordre de ce qu'il faut faire. Alors, ce que, dans quel sens devrait évoluer le droit, ou bien ce que devrait faire ou doit faire le médecin du travail. Et ce qui est tout de même intéressant, évidemment, par exemple, sur le terrain du droit, puisque c'est celui qui m'est le plus familier, c'est que ça engage tout de même une certaine compréhension, une certaine conception, une certaine représentation du droit. C'est une façon d'attribuer au droit une fonction anthropologique, ce qui, évidemment, peut déjà être discuté. Et de la même façon, voilà, et alors, mais même chose que l'on pourrait dire aussi à propos des travaux de recherche en sciences sociales qui se placent de l'extérieur et regardent, la question qu'on peut se poser, est-ce que la science est axiologiquement neutre? Donc là, je crois que ce sont des, finalement, vos interventions, parce qu'elles se sont, elles ont, à mon avis, manifesté des postures différentes, des positionnements différents, tout aussi intéressants et tout aussi respectables les uns que les autres. Peut-être nous peuvent nous donner aussi l'occasion de réfléchir au fond à la façon dont nous nous positionnons les uns et les autres lorsque nous parlons ou lorsque nous intéressons à la souffrance au travail et qu'est-ce que l'on peut attendre de ces différents positionnements. Voilà, c'était juste une façon d'ouvrir la discussion. Oui ? Je crois que c'est Yves Clos qui souhaite dire quelque chose. Bonjour, merci Yves Clos. Moi, je comprends bien la passion de notre collègue médecin, mais je reste sceptique. Vous faites des hypothèses rapides, quoi. En particulier, qu'on peut transférer le modèle toxicologique du risque sur la question de la souffrance au travail. C'est une hypothèse très forte. Il faudrait prendre beaucoup de temps. Mais la question est documentée, est instruite depuis assez longtemps, quoi. En particulier, des critiques documentées précises ont été faites sur le risque de considérer, ça c'est un vrai risque je pense, le risque de considérer que les travailleurs sont seulement exposés au risque. La tradition ergonomique francophone depuis la ville, et ça fait maintenant 30 ans, a montré que cette notion d'exposition au risque, lorsqu'on la transfère du risque toxicologique au risque psychologique, pose un problème majeur, quoi. Voilà. C'est pas si simple que ça. Je pense que vous allez. C'est intéressant de discuter. Toujours, il faut saisir les occasions comme ça. Je pense que vous allez vite en besogne et que le risque couru en la matière, c'est d'avoir une approche, je vais le dire un peu dans mon vocabulaire, un peu hygiéniste du problème, qui dépolitise considérablement la question du travail. Voilà. Puisqu'il a été question de l'expérience suédoise, qui d'une certaine manière est très intéressante parce que c'est un lien original entre science et politique. D'une certaine manière, vous établissez un certain lien entre science et politique, là, en attribuant à la médecine une fonction de, je vais dire un peu simplement, mais c'est pour discuter, de pasteurisation du réel, quoi. Hein, voilà. Donc il y a une certaine conception du rapport entre science et politique dans votre exposé médical qui mérite d'être confronté à l'exposé précédent. Et par rapport à l'exposé de notre collègue en psychodynamique, je vois bien la logique, mais je m'interroge quand même sur une sorte d'approche médico-légale de la clinique du travail. Au fond, peut-on confier au droit de se substituer à l'action en situation réelle avec les salariés eux-mêmes et avec les cliniciens du travail dans des interventions, peut-on confier au droit le soin de faire justice? C'est une question, à mon avis, qui pose des vrais problèmes au droit et qui est aussi une certaine conception des rapports entre la question de l'action, du travail et de la politique. Voilà, je trouve que dans l'intérêt de cette table ronde, c'est poser la question d'une approche qui peut se développer, qui se tient, hein, mais que personnellement je discuterai volontiers, d'une approche médico-légale de la question. Est-ce que je peux juste rebondir, puisqu'effectivement c'est droit et action. Nous sommes bien d'accord, le droit c'est un discours, c'est un modèle pour les actions, c'est un discours. Mais le droit, ça n'est pas une action. Donc c'est la raison pour laquelle il faut commencer déjà par s'interroger sur ce qu'est le droit. Et d'où effectivement ce questionnement, le droit a-t-il une fonction anthropologique? On peut souhaiter qu'il ait une fonction anthropologique, mais le droit a-t-il une fonction anthropologique? C'est une vraie question, puisqu'effectivement c'est le lien qui est à faire entre droit et action. C'est un mode de régulation sociale parmi d'autres. Mais voilà, c'est un mode de régulation sociale, c'est tout. Ce n'est pas une action, le droit, je crois. En tous les cas, il n'en a pas la capacité. Il peut orienter les actions. Mais je ne voulais pas, évidemment, là c'était juste, c'était par jeu. Oui, bonjour, merci de vos interventions. Je m'appelle Catherine Farzat, je suis psychanalyste. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé longtemps en entreprise, à des postes en ressources humaines. Et j'interviens également en entreprise en accompagnant des dirigeants, des RH sur les notions de harcèlement. Pas du tout sur des outils de mesure ou des choses scientifiques, mais sur les représentations que les uns et les autres peuvent avoir. Donc je voudrais faire juste quelques remarques sur ce que j'ai entendu. La première, il me semble qu'il y a eu une évolution du droit actant la subjectivité, les questions de subjectivité et de souffrance au travail. Je prends par exemple la loi sur le harcèlement moral de 2002. Elle parle d'agissements répétés, conscients ou inconscients. C'est la première fois dans l'histoire du droit que la notion d'inconscient apparaît. Ensuite, il y a eu, j'ai plus les dates en tête, hein, excusez-moi, mais il y a eu la notion de perception. Il suffit qu'il y ait une perception de souffrance. Hein, et ce qui veut bien dire que souvent, c'est une question de parole contre parole. Et des choses extrêmement délicates et extrêmement complexes. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que l'organisation ne joue pas son rôle et que la marge est parfois très étroite entre des organisations pressurisantes avec l'urgence du temps, etc., et les éprouvées réelles de harcèlement. Voilà. Donc, c'est des domaines extrêmement complexes, où il y a bien sûr des rapports de domination, des choses comme ça, mais ce n'est pas si simple. Hein. Ça dépend des entreprises, ça dépend... Par ailleurs, je reçois en individuel des gens qui ont subi des harcèlements, et dans un premier temps, qui arrivent en état, de stress post-traumatique. Hein. Donc, on voit vraiment de tout, je dirais. Voilà, juste ça. Oui, la réponse. Non, pour Monsieur Clos uniquement, j'admets que l'hypothèse de calquer le modèle danger, risque, exposition de la logique de la prise en charge du risque chimique sur le risque psychosocial, que, comme vous l'avez compris, je n'aime pas trop ce vocable, est une hypothèse forte, clairement. Mais il y a aussi le souci que nous ne pouvons faire que des hypothèses fortes, compte tenu du fait que les études à nos dispositions sont essentiellement des séries de cas. Il n'y a pas de suivi de cohorte qui vaille la peine d'être cité, qui soit à nos dispositions en termes de recherche sur la souffrance au travail. C'est vraiment débutant. En fait, on est en train de débroussailler ce domaine. Après, c'est pas une... Bon, ça, je pense qu'il y a eu juste peut-être un glissement de langage. C'est pas une exposition au risque. Hein. C'est une exposition à une nuisance qui résulte en un risque. Hein, le risque étant la réalisation du danger. C'est pas une exposition au risque. Sinon, ça n'a plus vraiment de sens. Après, vous émettez l'opinion que le fait de prendre cette approche-là, il y a un risque d'hygiénisme qui dépolitise et a une fonction de pasteurisation du réel. Moi, je vous dirais que c'est une tentative de modélisation pour rendre les concepts opérationnels au niveau individuel et collectif d'un médecin. Mais ce n'est pas du tout une action nationale sur toute la population. Pour l'instant, on n'en est pas du tout à cette puissance-là. On en est vraiment au loco-local hein, pour essayer d'agir, voyez-vous. Et de toute façon, ça n'a rien de dogmatique. Si des études, si nous arrivons par le réseau national des pathologies professionnelles, le RNV3P, qui est piloté par l'ANSES et qui actuellement est en train de colliger l'ensemble des cas de pathologies professionnelles, donc souffrance et le reste, des consultations de pathologies professionnelles et ceux de certains SST, donc services de santé au travail, là nous aurions la chance d'avoir une population. Malheureusement, ça sera de la prévention secondaire, hein, puisqu'elle aura déjà présenté un problème de pathologie professionnelle qu'on pourra suivre dans le temps, puisqu'on saura intenter si une personne a été enregistrée dans le réseau comme ayant, par exemple, un syndrome dépressif relié à telle nuisance au travail. On pourra suivre cette personne dans le temps et voir si quelle est son évolution par rapport à la modification de sa situation de travail. Mais ce serait, c'est vraiment l'étape au-dessus. Pour l'instant, ce que nous avons en France, c'est des séries de cas. Donc effectivement, moi je vous dirais honnêtement, c'est une hypothèse forte, clairement, mais toutes le sont au stade actuel. Oui, vous avez ici. Merci, je vais essayer d'être brève. Je voudrais juste apporter un point de vue de mécanicienne dans cette assemblée qui est très impressionnante pour moi. Je suis assistante sociale du travail. Je n'ai donc aucun niveau de recherche ni d'études universitaires, encore moins post-universitaire. Et je suis passionnée par ces journées donc d'universitaires et de chercheurs que vous êtes parce que vous formulez des choses sur lesquelles j'avais des suspicions. Ça colle pas quand on est dans la pratique et dans le terrain. Et c'est vrai que je rejoins aussi Madame médecin du travail parce qu'on sent bien qu'elle est dans la pratique et qu'elle utilise des outils qui peuvent effectivement choquer peut-être Monsieur Clos, mais que nous, quand on est dans la pratique, les mains dans le cambouis toute la journée, on n'a pas du tout la même position dans l'étude du système que vous chercheurs. Et c'est intéressant de voir ce que vous regardez et voyez de votre point de vue de chercheur. Très concrètement, par rapport aux interventions de ce matin qui m'ont passionnée, l'étude qui a été faite sur les échelles, où il y a, moi je redirais comme ça dans mon vocabulaire, un jeu de dupes peut-être derrière. Moi j'ai eu des tas de cas de situations de souffrance au travail et de harcèlement moral. Je suis assistante sociale du travail dans la fonction publique. J'ai travaillé dans plusieurs collectivités. Où j'utilisais en gros les modèles classiques, même si j'utilisais de façon très à bas niveau, hein, puisque je ne suis pas formée ni psychologue du travail. Si on prend le modèle de Karasek, ça marchait pas. Si on prenait le modèle de Siegfried, ça marchait pas. Si on prenait aussi les théories plus récentes de Monsieur Clos, ça marchait pas. Et ces gens étaient dans un état de souffrance au travail épouvantable et cliniquement, je veux dire, c'était clair au niveau de la pratique. Mais ils étaient dans un état de souffrance au travail entraîné par l'entreprise où tout était mélangé, tout était diffus, tout était pervers et un modèle très précis, très théorique, ne permettait pas d'arriver à comprendre pourquoi la personne était dans cet état de souffrance. Les autres éléments que j'ai vus traverser mon quotidien par rapport à vos approches, c'est sur la question aussi la question du droit. Le droit est un peu impuissant à l'heure actuelle quand les gens ne craquent pas, entre guillemets, et non pas le tableau clinique qu'arrivent à voir les médecins du travail. Vous dites que dans votre pratique de médecin du travail sur les consultations de psychopathologie au travail, vous voyez des gens en logorrhée principalement qui sont très difficiles à avoir en entretien. Moi qui suis un petit peu en amont dans mon quotidien dans l'entreprise, je vois des gens qui n'arrivent pas à parler. Et pour lequel il va falloir non pas une heure, mais des heures et des heures d'entretien pour arriver à ce qu'eux-mêmes aient à leur conscience qu'ils sont dans un état de souffrance au travail, quels que puissent être les facteurs sociaux, etc., autour, que nous on connaît bien quand on est AS, assistante sociale, mais qui n'arrivent pas à en parler et qui ne se sont pas effondrés. Et là, au niveau du droit, vous pouvez rien faire. Ou alors qui ont des formes de résistance psychique personnelle extrêmement fortes à la souffrance. Et du coup, là encore, au niveau du droit, on est impuissant. Et je vais faire une comparaison qui, là encore, n'est pas votre quotidien, mais qui, pour une assistante sociale du travail, est classique, et que font des chercheurs comme le docteur Soloma, qui travaille sur... Je ne sais pas si vous connaissez, madame. Le docteur Soloma travaille sur tous les troubles psychotraumatiques entraînés par la violence, et toutes les formes de violence. On s'aperçoit que ça donne les mêmes troubles, effectivement, au niveau de la façon dont la personne est détruite. Et quand on travaille sur les violences conjugales, c'est pour nous, assistantes sociales, souvent des choses à mettre en lien avec la violence au travail et la souffrance au travail, parce que ce ne sont pas toujours des femmes qui vont être couvertes de bleu, qui vont s'exprimer, qui vont le dire, et qui vont pouvoir être protégées par la loi. Et la souffrance au travail, c'est aussi la même chose. Voilà. C'est juste des éléments concrets que je voulais donner de mon quotidien et que je partage avec d'autres collègues qui sont présentes et dont on fait partie de groupes de travail, de réflexion d'assistance sociale du travail sur cette problématique qui, effectivement, est très, très importante pour nous dans le quotidien en fréquence. Eh bien, je vous remercie parce que je pense que c'est heureux, justement, d'entendre les expériences, effectivement, des uns et des autres. Je pense que nous allons poursuivre cette discussion dans le courant de l'après-midi au sein des différents ateliers. Je crois que maintenant, il faut que nous marquions une pause pour répondre, non pas au programme qui nous a été fixé. Voilà.